Le porte-parole du comité central de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée a publié le 25 juin un entretien qui dit notamment « Le 21 dernier, les autorités sud-coréennes ont refusé la demande du Rassemblement des avocats pour une société démocratique de faire comparaître au tribunal nos citoyennes enlevées et y ont envoyé un fondé de pouvoir à leur solde pour ainsi faire échouer le jugement. » Ils ont montré ainsi toute leur nature de fraudeurs illégaux. En considérant le procès entrepris par le Rassemblement des avocats en vue de vérifier l'affaire en tête-à-tête avec les autorités comme une conduite humanitaire marquée de l'amour des compatriotes, en réponse à la réclamation juste de tous les compatriotes et de la société internationale, nous avons envoyé les papiers d'identité nécessaires et la procuration des familles des victimes selon sa proposition. Mais comme ils ont refusé sous des prétextes injustes la demande réitérée du Rassemblement des avocats pour la mise au grand jour des informations relatives à nos citoyennes et la rencontre, les fantoches ont prétendu tout à fait absurdement, cette fois-ci encore comme nous l'avons déjà prévu, l'atteinte aux droits de l'homme et aux familles, bien qu'ils se sont présentés au tribunal sous la pression de l'opinion de l'intérieur et de l'extérieur du pays. En outre, il pousse d'une part le ministère de l'Unification à protéger la conduite des agents de renseignement en prétendant que c'est une mesure de protection adéquate et d'autre part incite les membres du parti au pouvoir, les presses conservatrices et autres vauriens à justifier le crime inhumain. Ce qui indigne le plus, c'est que les autorités sud-coréennes dénaturent le procès juridique et la demande de renvoi de nos citoyennes des organisations de divers milieux tels que le Rassemblement des avocats pour une société démocratique comme le résultat du produit du Nord et s'affairent pour provoquer une nouvelle campagne de dépendance au Nord. En même temps, elles prétendent ouvertement de détenir à l'avenir aussi comme maintenant nos citoyennes au centre de renseignement pour les protéger. Nous ne tolérerons jamais l'enlèvement collectif inhumain et finirons par leur faire payer cher le crime antinational et anti-humain des fanas de confrontation en recourant à tous les moyens et méthodes.